Chapitre 11e, Floride et Texas. Cependant, une question restait encore à décider. Il fallait choisir un endroit favorable à l'expérience. Suivant la recommandation de l'observatoire de Cambridge, le tir devait être dirigé perpendiculairement au plan de l'horizon, c'est-à-dire vers le zénith. Or, la Lune ne monte au zénith que dans les lieux situés entre 0 et 28 degrés de latitude. En d'autres termes, sa déclinaison n'est que de 28,50 degrés. Il s'agissait donc de déterminer exactement le point du globe où serait fondue l'immense Columbiade. Le 20 octobre, le Gun Club étant réuni en séance générale, Barbicane apporta une magnifique carte des États-Unis de Z. Belthrop. Mais, sans lui laisser le temps de la déployer, J.T. Maston avait demandé la parole avec sa véhémence habituelle et parlé en ces termes « Honorable collègue, la question qui va se traiter aujourd'hui a une véritable importance nationale et elle va nous fournir l'occasion de faire un grand acte de patriotisme. » Les membres du Gun Club se regardèrent sans comprendre où l'orateur voulait en venir. « Aucun de vous, reprit-il, n'a la pensée de transiger avec la gloire de son pays. Et s'il est un droit que l'Union puisse revendiquer, c'est celui de receler dans ses flancs le formidable canon du Gun Club. Or, dans les circonstances actuelles, « Brave Maston, » dit le président. « Permettez-moi de développer ma pensée, » reprit l'orateur. « Dans les circonstances actuelles, nous sommes forcés de choisir un lieu assez rapproché de l'équateur pour que l'expérience se fasse dans de bonnes conditions. « Si vous voulez bien, » dit Barbicane. « Je demande la libre discussion des idées, » répliqua le bruyant J.T. Maston, « et je soutiens que le territoire duquel s'élancera notre glorieux projectile doit appartenir à l'Union. « Sans doute, » répondirent quelques membres. « Eh bien, puisque nos frontières ne sont pas assez étendues, puisqu'au sud l'océan nous oppose une barrière infranchissable, puisqu'il nous faut chercher au-delà des États-Unis et dans un pays limitrophe ce 28e parallèle, c'est là un casus belli légitime, et je demande que l'on déclare la guerre au Mexique. « mais non » s'écria-t-on de toutes parts. « Non, » répliqua J.T. Maston, « voilà un mot que je m'étonne d'entendre dans cette enceinte. Mais écoutez donc, jamais, jamais !» s'écria le fougueux orateur. « Tôt ou tard, cette guerre se fera, et je demande qu'elle éclate aujourd'hui même. » « Maston, » dit Barbicane, en faisant détonner son timbre avec fracas, « je vous retire la parole. » Maston voulut répliquer, mais quelques-uns de ses collègues parvinrent à le contenir. « Je conviens, » dit Barbicane, « que l'expérience ne peut et ne doit être tentée que sur le sol de l'Union. Mais si mon impatient ami me laissait parler, s'il eût jeté les yeux sur une carte, il saurait qu'il est parfaitement inutile de déclarer la guerre à nos voisins, car certaines frontières des États-Unis s'étendent au-delà du 28e parallèle. Voyez, nous avons à notre disposition toute la partie méridionale du Texas et des Florides. » L'incident n'eut pas de suite. Cependant, ce ne fut pas sans regret que J.T. Maston se laissa convaincre. Il fut donc décidé que la Columbiade serait coulée soit dans le sol du Texas, soit dans celui de la Floride. Mais cette décision devait créer une rivalité sans exemple entre les villes de ces deux États. Le 28e parallèle, à sa rencontre avec la côte américaine, traverse la péninsule de la Floride et la divise en deux parties à peu près égales. Puis, se jetant dans le golfe du Mexique, il sous-tend l'arc formé par les côtes de l'Alabama, du Mississippi et de la Louisiane. Alors, abordant le Texas, dont il coupe un angle, il se prolonge à travers le Mexique, franchit la Sonora, enjambe la vieille Californie et va se perdre dans les mers du Pacifique. Il n'y avait donc que les portions du Texas et de la Floride, situées au-dessous de ce parallèle, qui fussent dans les conditions de latitude recommandées par l'observatoire de Cambridge. La Floride, dans sa partie méridionale, ne compte pas de cité importante. Elle est seulement hérissée de forts élevés contre les Indiens errants. Une seule ville, Tampa Town, pouvait réclamer en faveur de sa situation et se présenter avec ses droits. Au Texas, au contraire, les villes sont plus nombreuses et plus importantes. Corpus Christi dans le county de Nueces et toutes les cités situées sur le Rio Bravo, Laredo, Comalites, San Ignacio dans le Webb, Roma, Rio Grande City dans le Star, Edinburgh dans l'Hidalgo, Santa Rita, El Panda, Brownsville dans le Cameron, formèrent une ligue imposante contre les prétentions de la Floride. Aussi, la décision à peine connue, les députés texiens et floridiens arrivèrent à Baltimore par le plus court. À partir de ce moment, le président Barbicane et les membres influents du Gun Club furent assiégés jour et nuit de réclamations formidables. Si sept villes de la Grèce disputèrent l'honneur d'avoir vu naître Homère, deux États tout entiers menaçaient d'en venir aux mains à propos d'un canon. On vit alors ses frères féroces se promener en armes dans les rues de la ville. À chaque rencontre, quelques conflits étaient à craindre, qui auraient eu des conséquences désastreuses. Heureusement, la prudence et l'adresse du président Barbicane conjurèrent ce danger. Les démonstrations personnelles trouvèrent un dérivatif dans les journaux des divers États. Ce fut ainsi que le New York Herald et la Tribune soutinrent le Texas, tandis que le Times et l'American Review prirent fait et cause pour les députés floridiens. Les membres du Gun Club ne savaient plus auquel entendre. Le Texas arrivait fièrement avec ses 26 comtés qu'il semblait mettre en batterie, mais la Floride répondait que 12 comtés pouvaient plus que 26 dans un pays 6 fois plus petit. Le Texas se targuait fort de ses 330 000 indigènes, mais la Floride, moins vaste, se vantait d'être plus peuplée avec 56 000. D'ailleurs, elle accusait le Texas d'avoir une spécialité de fièvre paludéenne qui lui coûtait, bon an mal an, plusieurs milliers d'habitants. Et elle n'avait pas tort. À son tour, le Texas répliquait qu'en fait de fièvre, la Floride n'avait rien à lui envier et qu'il était au moins imprudent de traiter les autres de pays malsains quand on avait l'honneur de posséder le vomito negro à l'état chronique. Et il avait raison. D'ailleurs, ajoutaient les Texiens par l'organe du New York Herald, on doit des égards à un État où pousse le plus beau coton de toute l'Amérique, un État qui produit le meilleur chêne vert pour la construction des navires, un État qui renferme de la houille superbe et des mines de fer dont le rendement est de 50% de minerai pur. À cela, l'American Review répondait que le sol de la Floride, sans être aussi riche, offrait de meilleures conditions pour le moulage et la fonte de la Columbiade, car il était composé de sable et de terre argileuse. Mais, reprenaient les Texiens, avant de fondre quoi que ce soit dans un pays, il faut arriver dans ce pays. Or, les communications avec la Floride sont difficiles, tandis que la côte du Texas offre la baie de Galveston, qui est 14 lieues de tour et qui peut contenir les flottes du monde entier. « Bon, répétaient les journaux dévoués aux Floridiens, vous nous la donnez belle, avec votre beau de Galveston situé au-dessus du 29e parallèle. N'avons-nous pas la baie d'Espirito Santo ?» ouverte précisément sur le 28e degré de latitude et par laquelle les navires arrivent directement à Tampa Town. « Jolie baie, » répondait le Texas, « elle est à demi ensablée. »« Ensablée vous-même, » s'écrie la Floride. « Ne dirait-on pas que je suis un pays de sauvages ?»« Ma foi, les Séminoles courent encore vos prairies. »« Eh bien, et vos Apaches et vos Comanches sont-ils donc civilisés ?» La guerre se soutenait ainsi depuis quelques jours quand la Floride essaya d'entraîner son adversaire sur un autre terrain. Et un matin, le Times insinua que l'entreprise, étant essentiellement américaine, elle ne pouvait être tentée que sur un territoire essentiellement américain. À ces mots, le Texas bondit. « Américain ? » s'écria-t-il. « Ne le sommes-nous pas autant que vous ? Le Texas et la Floride n'ont-ils pas été incorporés tous les deux à l'Union en 1845 ?»« Sans doute, » répondit le Times, « mais nous appartenons aux Américains depuis 1820. »« Je le crois bien, » répliqua la Tribune. Après avoir été espagnol ou anglais pendant 200 ans, on vous a vendu aux États-Unis pour 5 millions de dollars. Et qu'importe, répliquèrent les Floridiens. Devons-nous en rougir? En 1803, n'a-t-on pas acheté la Louisiane à Napoléon au prix de 16 millions de dollars? C'est une honte, s'écrièrent alors les députés du Texas. Un misérable morceau de terre comme la Floride osait se comparer au Texas, qui, au lieu de se vendre, s'est fait indépendant lui-même, qui a chassé les Mexicains le 2 mars 1836, qui s'est déclaré République fédérative après la victoire remportée par Samuel Houston au bord de San Jacinto sur les troupes de Santa Anna, un pays enfin qui s'est adjoint volontairement aux États-Unis d'Amérique. « Parce qu'il avait peur des Mexicains !» répondit la Floride. « Peur !» Du jour où ce mot, vraiment trop vif, fut prononcé, la position devint intolérable. On s'attendit à un égorgement des deux parties dans les rues de Baltimore. On fut obligé de garder les députés à vue. Le président Barbicane ne savait où donner de la tête. Les notes, les documents, les lettres grosses de menaces pleuvaient dans sa maison. Quel parti devait-il prendre? Au point de vue de l'appropriation du sol, de la facilité des communications, de la rapidité des transports, les droits des deux États étaient véritablement égaux. Quant aux personnalités politiques, elles n'avaient que faire dans la question. Or, cette hésitation, cet embarras duraient déjà depuis longtemps, quand Barbicane résolut d'en sortir. Il réunit ses collègues, et la solution qu'il leur proposa fut profondément sage, comme on va le voir. « En considérant bien, dit-il, ce qui vient de se passer entre la Floride et le Texas, il est évident que les mêmes difficultés se reproduiront entre les villes de l'État favorisé. La rivalité descendra du genre à l'espèce, de l'État à la cité, et voilà tout. Or, le Texas possède 11 villes, dans les conditions voulues, qui se disputeront l'honneur de l'entreprise et nous créeront de nouveaux ennuis, tandis que la Floride n'en a qu'une. Va donc pour la Floride et pour Tampa Town. » Cette décision rendue publique atterra les députés du Texas. Ils entrèrent dans une indescriptible fureur et adressèrent des provocations nominales aux divers membres du Gun Club. Les magistrats de Baltimore n'eurent plus qu'un parti à prendre et ils le prirent. On fit chauffer un train spécial, on y embarqua les Texiens bon gré mal gré, et ils quittèrent la ville avec une rapidité de 30 000 à l'heure. Mais, si vite qu'ils fussent emportés, ils eurent le temps de jeter un dernier et menaçant sarcasme à leurs adversaires. Faisant allusion au peu de largeur de la Floride, simple presqu'île resserrée entre deux mers, ils prétendirent qu'elle ne résisterait pas à la secousse du tir et qu'elle sauterait au premier coup de canon. « Eh bien qu'elle saute !» répondirent les Floridiens avec un laconisme digne des temps antiques.